sonne à ma porte. Regardant le jus à ma voisinette sous Adèle Scott. Dit que ma musique est trop forte, que comme Daddy Yoke, je foutais le bord. Avec mon hip-hop, je la stoppe, je claque ma porte. Ça fait longtemps que je la supporte, vite, avant que le ciel ne m'emporte. Je retourne à ma feuille blanche, des heures j'y planche. Mais comme le DF, y'a des moments, faut que je débranche. Je descends, en passant, je prends mon courrier. 901 francs d'électricité à payer. Et moi, je fais comment? Budget trop serré, pas de quoi m'éclater. Kiffer une soirée, j'ai mes priorités. Mon loyer, encore une fois. Dans la rue, la rue, la rue, je me fais siffler. Je choisis d'ignorer. En retour, on me fait maltraiter, insulter, de t'asper à mon tour. D'enchaîner, rien qu'un jour. Trop de t'asper dans vos bouches coulées, ça me touche. Et c'est vous qui répondez présent au rendez-vous. Ne sais-tu pas quel bas décide pour ta guichet? N'a qu'un souci, savoir aujourd'hui te faire trembler. Fais des régimes, te plaît, en squelette va te satisfaire. Moi, ta déesse, si c'est comme une tigresse, tu surenchères. Je la rabaisse, un vulgaire bout de chair qui gesticule, s'articule comme un Yorkshire. Quand je bouge mes fesses, c'est pour mes négros à mes concerts ou sur mon homme seul. Pour qui je joue, les experts, c'est clair. Je respecte ceux qui se respectent, respecte ceux qui te respectent. Et pour ton intellect, adopte mon dialecte. Chétan m'envoie son complice, ouais, il vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress. Chétan m'envoie son complice, ouais, il vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule, l'ambiance passe au encore stress. Une fois, je croise hélas des victimes. Paix sa façon lobsa comme Miss Lil Kim. Aime des visages, ai-je la tête d'un hors la loi? Non. Je nage, je m'arrête sage, faut bien que je sache pourquoi les ladies tirent dans les pattes alors qu'on move toutes comme des belles. Candidate comme Pasqua pour que je les frappe. L'envie me dévora comme si j'étais une psychopathe. Classe, j'enterre l'histoire, me tourne alors vers le RER. Stoppé net par les képis verts, retour en arrière. Condamné comme les gens de mon espèce, je fais des prouesses, j'évite le papier vert. Soudain, nez à nez avec mon daron qui slash en baron, ça pète avec cette midinette qui câline à la recherche son carnet de chèques qui la fascine, l'endoctrine. Mieux qu'un de ses tirs de Staline, je rentre la tête grise et pensée, j'ai le spleen. Chétan m'envoie son complice, ouais, il vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress. Chétan m'envoie son complice, ouais, il vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress. Chétan m'envoie son complice, ouais, vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress. Chétan m'envoie son complice, ouais, vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress. Chétan m'envoie son complice, hein, vise comme il transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour que ça cesse. La situation bascule et l'ambiance passe au stress.